إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde la réussite. Nous poursuivons l'explication du livre intitulé « Explication de la parole de l'unicité » de l'éminent savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc l'auteur nous dit: sache que cette parole est composée d'une négation et d'une affirmation. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, est ici rentré dans l'explication de la ilaha illallah après avoir mentionné certaines de ses conditions. Et il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde que cette parole, donc la ilaha illallah, est composé d'une affirmation et d'une négation. Et ces deux éléments sont deux piliers. Le premier pilier est la négation, tandis que le second est l'affirmation. Quant à la négation, qui est la première partie de la parole de l'unicité, la ilah, elle consiste à mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en désavouer, car tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne mérite pas l'adoration. Allah est le seul et unique qui mérite l'adoration, car il est le seul à créer subhanahu. Il est le seul à donner la vie et le seul à donner la mort. Néanmoins, il est très important de savoir que si l'être adoré est un prophète, un ange ou un pieux, il faudra se désavouer uniquement de son adoration et il ne faudra pas se désavouer de lui. Car il est interdit de se désavouer des prophètes, des anges et des pieux. Mais dans le cas où, par exemple, l'être adoré est satisfait de l'adoration qu'on lui voue, ici il faudra se désavouer de lui ainsi que de son adoration. Quant au deuxième pilier, qui est l'affirmation. Il consiste à affirmer et avoir la conviction que seul Allah subhanahu wa ta'ala est digne d'être adoré et que lui seul mérite l'adoration. Et sans ces deux piliers, l'attestation n'est pas valide. Il ne suffit pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et d'avoir la conviction qu'il mérite l'adoration. Il faut certes rajouter à cela le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors de lui. Car malheureusement, certains musulmans adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ceci est une bonne chose. Néanmoins, ils ont la conviction que certains pieux méritent l'adoration et qu'il n'y a pas de mal à les adorer. Et cette croyance est malheureusement répandue et elle contredit cette parole. Et le sens exact de « La ilaha illallah » et « Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. » Au contraire de ce que disent certaines sectes. Par exemple, la secte qu'on appelle Al-Asha'ira prétend que le sens de La ilaha illallah et il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette explication est caduque pour plusieurs raisons. La première est que le mot ilah signifie celui qui est adoré. Et ce n'est pas connu que le mot ilah a le sens du créateur ou encore du pourvoyeur. La deuxième raison est que si le sens de la ilaha illallah était il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, les polythéistes de Quraysh n'auraient eu aucune difficulté à prononcer cette parole et à rentrer dans l'islam, car ils avaient la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. Et la preuve de cela réside dans le verset 38 de surat Az-Zumar, surat les groupes. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la in sa'altahum » من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, ils ont certes refusé de dire « La ilaha illallah » et lorsqu'on leur disait de dire « La ilaha illallah » ils s'enflaient d'orgueil. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 35 de Sourat les rangs, il dit « Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun » et lorsqu'on leur disait dites la ilaha illallah, il s'enflait d'orgueil. Et la question qu'on peut se poser est pourquoi ont-ils refusé de dire la ilaha illallah? Et la réponse à cette question est qu'ils savaient pertinemment que le sens de cette parole était de délaisser et de mécroire en toute leur divinité et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 5 de Sourate Sad, أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Cherche-t-il à réduire les divinités en une seule? Voilà qui est bien étrange. Et nous avons aussi une explication de la ilaha illallah qui est très répandue et qui est erronée. Certains prétendent que son sens est « il n'y a pas d'être adoré en dehors d'Allah ». Ou encore ils vont te dire « il n'y a pas de divinité présente en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala ». Et tout ceci revient à dire que tout ce qui est adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Car selon eux, tout ce qui existe n'est qu'un. Tout ce qui existe est Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la personne adore une tombe, elle adore Allah. Lorsqu'elle adore une pierre, elle adore Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle adore le soleil, elle adore Allah. Et cette croyance est celle de Ibn Arabi et ses suiveurs. Et il ne faut pas confondre entre Ibn Arabi et Ibn al-Arabi, avec un alif et un lem. Car Ibn al-Arabi est sur le droit chemin. Tandis que Ibn Arabi, certains savants, tels que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, a jugé qu'il était mécréant. Et celui qui a une raison saine est forcément convaincu de la gravité de cette parole. Ensuite, l'auteur nous dit la négation de l'adoration de tout autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les envoyés, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les anges, même Jibril alayhi salam, sans parler des autres alliés et des pieux. Ici l'auteur, rahmahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous éclaircit un point très important. En effet, il nous dit que personne ne mérite l'adoration, quand bien même cet autre serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'ange Jibril. Et l'auteur ne les a pas choisis par hasard, c'est-à-dire qu'il n'a pas mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ange Jibril par hasard. Il les a choisis car le prophète sallallahu alayhi wa sallam premièrement est le meilleur des prophètes. Et l'ange Jibril est le meilleur ange. Et c'est un procédé que l'auteur utilise souvent dans ses épîtres. Et il a pour but de clarifier que personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'ange Jibril ne la méritent pas, alors que dire de ceux qui sont moindres en degré, tels que les pieux et ceux qu'on appelle aujourd'hui ou ceux qui se font appeler aujourd'hui les awliya, c'est-à-dire les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cet argument, on comprend la réalité du shirk, qui est l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans se soucier de cet autre. À partir du moment où l'adoration est vouée pour autre qu'Allah, ceci est de l'association. Ensuite, l'auteur nous dit, lorsque tu comprends cela, regarde avec attention l'adoration qu'Allah s'est affirmée à lui-même et qu'il renie pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril et autres, et qu'il ne possède pas le poids d'un grain de moutarde. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il est le seul à mériter l'adoration et que personne d'autre ne la mérite, même pas les meilleures créatures, car ils ne détiennent rien. Ensuite, il nous dit « Et sache que cette adoration, que les gens de la masse de notre époque nomment le mystère, et la protection, et pour eux, la divinité a le sens du wali, celui qui a des mystères, et c'est celui qu'ils appellent l'asset ou le shir, et que le commun appelle as-sayyid et autres. Ici, l'auteur, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne certaines pratiques de son époque. Et ces pratiques-là, malheureusement, sont encore présentes à notre époque. En effet, certaines personnes qui se sont fait tromper par certains prêcheurs du faux ont la conviction que certaines personnes ont des mystères, c'est-à-dire qu'ils ont une influence sur les choses. Et de ce fait, il faut les adorer en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car comme l'auteur va le mentionner par la suite, selon eux, ils ont un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont différents noms. Certains vont les appeler l'asset, le shir, tandis que d'autres vont les appeler as-sayyid. Et ils vont avoir la conviction qu'il connaît l'invisible et qu'il a la capacité de changer les choses, telles que la guérison ou telles que donner un enfant à une femme qui n'arrive pas à en avoir. Également, selon eux, il ne faut surtout pas le contredire. Ceci est strictement interdit chez eux. Il peut lui ordonner tout ce qu'il veut, car il ne faut pas lui désobéir. Et en général, ce sont les soufis qui ont ce genre de croyance. Ils ont une expression très connue dans cela. Ils disent « Sois avec ton chair comme le mort entre les mains de celui qui le lave. » C'est-à-dire que le chair peut faire de toi ce qu'il veut, comme celui qui lave le mort. Celui qui lave le mort, s'il le tourne à gauche, il va aller à gauche, car il est mort et ne peut rien faire. Ensuite, l'auteur nous dit ceci car il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné un haut rang auprès de lui à l'élite des créatures et qu'il agrée que les gens se réfugient auprès d'eux, placent leur espoir en eux, leur demandent secours et les prennent comme intermédiaires entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous mentionne l'ambiguïté de ces gens. Et malheureusement, cette ambiguïté s'est transmise de génération en génération, en partant des premiers polythéistes jusqu'à aujourd'hui. Et le résumé de cette ambiguïté est que selon eux, ce sont des gens faibles qui commettent beaucoup de péchés. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les agréer. Néanmoins, Allah aurait donné un haut rang à certaines personnes qui, eux, ont la faculté de rapprocher les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'intercéder pour eux. Et donc, s'ils sont adorés, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui était adoré. Et cette ambiguïté est répandue dans certains pays. Il y a même une vidéo connue où un homme égyptien, qu'Allah le guide, dit fièrement la parole suivante. Je cite, « Ils disent que nous, les soufis, nous adorons les mausolées. » Puis il dit, « Effectivement, nous adorons les mausolées. » Ceux qui nous rapprochent davantage d'Allah, car il y a une différence entre la tombe et le mausolée. Dans la tombe, c'est un musulman normal qui y est enterré, tandis que le mausolée, c'est un wali qui y est enterré, et Allah l'a honoré en lui donnant un endroit qui est visité par les gens. Fin de citation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes répondu à cette ambiguïté dans le Coran, notamment dans le verset 3 de Sourate Les Groupes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ceux qui adoptent des maîtres en dehors de lui disent: nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jugera entre les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas celui qui ment et celui qui est mécréant. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans de nombreux versets de l'adorer directement sans passer par quelqu'un. Et il nous dit qu'il accepte nos adorations. Il dit dans le verset 60 de sourate le pardonneur: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. Ensuite l'auteur nous dit: ainsi, ce que prétendent les polythéistes de notre époque, le fait qu'ils ont des intermédiaires, c'est ce que les premiers polythéistes appelaient divinité, l'intermédiaire et la divinité. Ici l'auteur, rahmahullah, nous dit que ce que font les polythéistes de notre époque est identique à ce que faisaient les premiers polythéistes, à une différence près, qui est qu'aujourd'hui, ils vont appeler cela le tawassul. Néanmoins, le jugement est le même. Car comme les savants le mentionnent, changer le nom d'une chose ne change pas son jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a jugé que ce que les premiers polythéistes ont fait était du shirk et qu'ils sont bel et bien tombés dans le polythéisme. De ce fait, nous disons la même chose quant aux polythéistes d'aujourd'hui. Ensuite, l'auteur nous dit: et la parole La ilaha illallah réduit à néant les intermédiaires. En effet, La ilaha illallah réduit à néant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit appelé intermédiaire, divinité ou intercesseur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du polythéisme apparent et caché.